Chapitre 5. L'homme des arbres. Quand le soir engouffra le fleuve, Vamiré conçut qu'il était immensément loin des confins de la forêt. Il rôtit quelques tranches d'un esturgeon harponné au passage, et sa faim satisfaite rêva les légendes indécises d'Epsan. Ptah, vieillard de 120 hivers, à la mémoire lucide, comptait l'écroulement des montagnes. Trois générations avant Ptah, l'Orient méridional était barré de lacs et de montagnes que jamais l'Ebzan, ni nul peuple connu d'Ebzan, n'avait franchi. Voilà que les feux qui sont sous la terre avaient tressailli, que le ventre des montagnes s'était entrouvert. L'abîme avait bu les grands lacs. L'épouvante en était demeurée sur les hommes. Toute une génération avait cru, sans que nul osât franchir les contrées neuves. Puis Arme, le grand chasseur, suivi du père de Ptah et de jeunes braves, s'aventura dans les défilés creusés par le cataclysme. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent les grandes savanes de l'Orient méridional. Assis sous un tremble, la poitrine émue à ses souvenances, Vamiré envia d'être, comme Arme, un de ceux qui trouvent des terres lointaines. Il se remémora la suite d'autres légendes. L'histoire d'Ebzan aventureux, qui depuis 100 ans avait tenté de franchir la forêt, dont les uns avaient disparu sans laisser de traces, et dont les autres étaient revenus en comptant que le fleuve coulait éternellement entre de grands arbres, que les périls augmentaient à chaque journée de voyage. Mais tout cela ne décourageait point le nomade. Sa curiosité et son courage s'exaltaient aux rumeurs de la nuit, à tous les pièges qu'il percevait tendus dans l'ombre. Longtemps il resta sous le tremble, sans sommeil. Lorsqu'enfin la lassitude pressa plus fort sa chair, il alla prendre son canot, le transporta sur la rive, puis, ayant trouvé un endroit sec, il y étala sa peau de spéléa et, retournant l'esquif, il s'en couvrit, s'abritant de surprise immédiate. Et la massue dans un point, le dard dans l'autre, il s'assoupit. Or, cette nuit, ni celle qui suivirent, Vamiré ne fut attaqué par les carnivores. Non que les monstres de l'ombre ne rôdassent autour de son canot, mais nul ne tenta de le forcer. Vamiré campa sur des îles autant que sur des rives sylvestres. Dans l'abondance de toutes choses, il ne manqua ni de la chair, ni des fruits qui soutiennent la force de l'homme. Plus d'une fois, devant la forêt interminable, d'où de grandes rivières arrivaient pour se joindre au fleuve, son âme devint triste et il regretta l'aventure. Il songeait que la route de retour serait plus âpre que la route d'arrivée, et l'histoire de ceux qui n'étaient pas revenus inquiétait sa mémoire. Son cœur s'emplissait de tendresse à la pensée de Zom et Namir, ses générateurs, et de ses frères et de ses sœurs plus jeunes que lui. Certes, Namir et Zom, l'ayant parfois attendu durant 2 ou 3 quartiers de lune, prenaient l'accoutumance de ses départs. Mais cette fois, quelle durée aurait le voyage? Tous obstacles s'accumulaient, principalement les rapides que Vamiré ne pouvait plus franchir qu'en transportant son canot par les rives. Entre les palétuviers et la broussaille, sur des courbes enliseuses parmi les reptiles et les fauves en embuscade, âpres étaient les passages, mais ces obstacles même, à mesure qu'il les franchissait en plus grand nombre, le poussaient à persévérer par le souci des périls sans récompense. Un matin, il se leva du sommeil, tandis que les oiseaux achevaient l'hymne aux rayons, que les rosées coulaient au sous-bois comme des pluies légères. Un froissement de branches accrocha son attention. Il vit s'avancer une forme couleur de frêne, d'allure oscillatoire, sauteleuse, accroupie sur ses membres postérieurs. Sa taille dépassait celle de la panthère. À ses 4 mains, à son visage, à ses yeux circulaires, à ses oreilles délicatement ourlées, une remembrance frémit en Vamiré des paroles de Sboz, celui de tous les Bzan qui avait le plus loin pénétré l'inconnu de la forêt. En lettres fantasques, aux bras démesurés, à la forte poitrine, il vit l'homme des arbres. Étranger aux peuples d'Europe et presque à ceux de l'Asie, chaque période le repoussait aux contrées de flammes. Des forêts méridionales, rares et profondes, de ci de là conservaient, 100 000 ans après l'exode de la race, quelques familles solitaires. Un élan de sympathie courut en Vamiré. Se dressant, il poussa le cri d'appel des Psan. L'homme des arbres s'arrêta, inquiet, ses yeux ronds furetant sous l'épaisseur des ramures. Vamiré, écartant les branches, brusquement se découvrit. « Oi, bonheur à toi !» L'homme des arbres se mit debout. Couvert de poils duveteux, les cheveux rares, moins hauts de taille que le nomade, plus larges d'épaules, il semblait doué d'une puissance formidable. Vamiré s'étonna de sa physionomie farouche, de ses mâchoires énormes, de ses sourcils enchevêtrés par-dessus les prunelles jaunes, de son épiderme noir et grenu, sans que sa sympathie décrût, son plaisir de voir un semblable après une semaine de solitude. Et il reprit, en s'accompagnant du geste, « Vamiré, ami, ami !» L'homme des arbres gronda, écartant ses lèvres, évidemment dans le doute des intentions de l'autre. Le nomade, voyant l'inutilité des paroles, tenta de correspondre par geste, sans nul résultat que d'accroître la défiance de l'inconnu. Dédaignant de s'en émouvoir, Vamiré fit quelques pas de plus, mais alors, fermant ses poings énormes, les prunelles tremblantes, l'homme des arbres se frappa la poitrine et menaça le troglodyte. Celui-ci s'en indignait. Vamiré ne craint ni le lion, ni le mammouth, ni les embûches des hommes. L'homme des arbres gronda de nouveau, sans toutefois avancer vers le Psan, simplement sur la défensive. Ce que voyant, Vamiré se tut, dans une curiosité croissante, sa colère disparut. Tous deux restèrent quelque temps à se contempler. Cette pause parut inspirer quelque confiance à l'homme des arbres. Ses traits se détendirent, une paix d'herbivore parut sur la pesanteur de son masque. Lui aussi, avec moins d'analyse que Vamiré, percevait la présence d'un semblable. Mais des instincts vagues, des souvenirs directs peut-être, des craintes ataviques ne lui rendaient pas cette présence agréable. Sentait-il que jadis, au menstru du tertiaire, il était au même échelon que le grand dolicocéphale debout devant lui, que des misères, des habitats dépressifs, avaient fait de sa race l'agonisante et de l'autre la victorieuse? Avait-il inscrite dans sa chair les douleurs, les révoltes, les nostalgies, les exodes perpétuels, les batailles perdues, tout ce qui se transmet de génération en génération, de sang à sang, et dont les éveils indéfinis, rêves de vies ancestrales subitement revenus dans les fibres héréditaires, valent la mémoire directe précise? Il restait là, maussade, son œil d'ambre, scrutant Vamiré, moins défiant toutefois. Le Psan, à bout de gestes, concluant à l'impossibilité de correspondre, se retira vers son esquif afin de le remettre à flot. Comme il atteignait le fleuve, il vit en se retournant que l'homme des arbres l'avait suivi et le regardait avec curiosité. Lorsqu'enfin il se fut embarqué, une certaine bienveillance se marqua sur la bouche cendreuse et camuse. Les bras velus ébauchèrent un vague geste amical. Vamiré répondit tout de suite, rieur, excusant le Sylvain de sa défiance. Longtemps, pendant que s'éloignait la barque grêle entre les palétuviers, s'immobilisa une face attentive. Et quel songe panique, quelle impression aussi emmêlée et sauvage que les broussailles riveraines erraient dans la cervelle du déchu, dans le crâne tardif de l'homme des arbres.